Chapitre 13. J'étais le plus heureux des hommes, le plus fier aussi. Je possédais un trésor dans la personne de Madame X. Je savourais les joies de ma première conquête sérieuse. Je ne vivais plus que pour cette femme. Je cherchais à la retrouver dans le monde, moins aristocratique que celui de mes débuts, où je la suivais presque chaque soir. Lorsque des devoirs odieux la tenaient éloignée, je n'avais qu'une seule consolation, penser à elle, un seul désir, en parler. Ce n'était pas que des tentations charmantes ne vinssent, presque chaque jour, mettre ma constance à l'épreuve. On aurait dit, ma parole, que je portais ce nom bien-aimé sur mon chapeau, de même que les matelots arborent en lettres d'or le nom du bâtiment où ils servent. J'ose dire qu'il n'aurait tenu qu'à moi de m'engager sous d'autres couleurs. Coquetterie, regard langoureux, insinuations plus ou moins claires, billets anonymes ou signés, tous les traits de l'arsenal féminin pleuvaient sur moi comme sur une cible vivante. Mais j'avais juré à la reine de mon cœur de l'adorer jusqu'à mon dernier soupir, et j'étais bien résolu à tenir mon serment. Je recevais sans me fâcher les œillades, les prévenances, voire même les billets, mais je restais de marbre, et cette indifférence, comme il arrive toujours, semblait redoubler l'audace des agressions. Je n'avais pu m'empêcher tout d'abord de parler à quelques amis intimes de la passion qui me dominait. Mais à peine commençais-je à leur vanter les charmes de Madame X, je serais mort, bien entendu, avant de la nommer, que ces jeunes gens ripostaient par les louanges d'une Madame Y quelconque, et par le diable, ils avaient l'infamie de la nommer, quelquefois. Dans ces conditions, l'entretien prenait immédiatement les allures de ces églogues de Virgile, où deux bergers s'évertuent, chacun leur tour, à célébrer l'objet de leur flamme. Tout au contraire, je trouvais chez ma cousine un auditeur, sinon enthousiaste, du moins résigné à m'entendre et surtout n'ayant aucun motif personnel pour m'interrompre. Aussi allais-je la voir assez souvent, presque toujours au musée. Rue d'Assas, nous trouvions un prétexte à un moment quelconque de ma visite pour laisser l'oncle Jean à ses livres. Nous pouvions alors causer librement. Certes, je n'avais garde oublié que je parlais à une jeune fille dont les oreilles devaient être respectées. Mais Rosie me l'avait avoué elle-même, au point de vue de la raison et du bon sens, elle avait 30 ans. « Pauvre ami, lui disais-je d'un air profond, tu en as 10 en ce qui concerne l'amour. Tu ne sais pas ce que c'est. » Alors je commençais de véritables conférences sur ce vaste sujet dans lequel je me sentais passé maître et pareil à ces professeurs de minéralogie qui appuient leur doctrine en tirant des cailloux de leur poche. J'illustrais les miennes en produisant comme échantillon quelques billets reçus le matin quand il était de nature à passer sous les yeux de mon élève. Parfois, pour dire toute la vérité, l'élève jetait sans s'en douter quelques gouttes d'eau sur les convictions ardentes de son maître. Cette innocente avait la manie des objections. J'y répondais toujours et m'arrangeais pour avoir le dernier mot, mais de temps à autre, en redescendant l'escalier, je me sentais moins fier de moi, moins satisfait des autres, moins assuré d'un avenir éternel de bonheur. Cet enfant sans expérience avait des profondeurs de logique, des délicatesses de pénétration qui m'étonnaient. Ce que je lui pardonnais le moins, c'était le peu d'envie qu'elle témoignait pour le bonheur que je donnais à une autre, pour celui que j'en recevais. On aurait dit que cet or était du cuivre à ses yeux. « Bah, tu n'y entends rien, » m'écriai-je un jour, impatienté, « tu es faite pour le pot-au-feu. »« Et toi pour la confiture de rose, » me répondit ma cousine. « Or, le pot-au-feu est l'emblème de ce qui dure. Tu t'en apercevras tôt ou tard. » Depuis lors, dans nos grandes discussions, je l'appelais ironiquement Miss Pot-au-feu, à quoi elle ripostait en me demandant des nouvelles de Madame Confiture de Rose. Plus vexé que je n'en avais l'air, je lui disais « Enfin, tu l'as vu, tu ne peux pas nier qu'elle ne soit jolie. » « Pouh !» répliquait ma cousine avec une moue. « Beau mérite, quand on n'a pas autre chose à faire. Donne-moi seulement sa couturière et sa modiste. Pour le reste, je m'en charge, puisque je sais peindre. » La première fois, je bondis à cette odieuse insinuation. Néanmoins, quand je me trouvais quelques heures plus tard en face de Madame X, je ne pus m'empêcher de l'examiner, autrement que je n'avais fait jusqu'alors. Et j'en voulus beaucoup à Rosie d'avoir eu de trop bons yeux. De quoi se mêlait cette petite fille? Vers la fin de l'hiver, je découvris quelque chose de plus grave, dont je faillis mourir de douleur. Madame X était une méprisable coquette, pour ne rien dire de plus, et se moquait de moi tant qu'elle pouvait, avec un financier non moins connu par ses bonnes fortunes que par sa fortune. Pendant 2 jours, la honte m'empêchait d'aller contre ma peine à Rosie. Le 3e, je ne pus y tenir tant je me sentais malheureux, et j'étalai mes mots dans la mesure du possible aux yeux de ma confidente. Pauvre ami, dit-elle, je te plains de tout mon cœur. Sa bouche prononçait des paroles de compassion, mais son visage brillant d'une sorte de rayonnement chantait une autre ancienne. Sans doute, elle éprouvait cette volupté si chère à toutes les femmes de pouvoir dire « Je l'avais bien prévu ». Elle ne le dit pas, toutefois, et sagement elle fit, car je crois que je l'aurais battue. « Ah, Rosie, m'écriai-je, que va-t-il arriver de moi? Je ne me consolerai jamais, la fausse créature !»« Bon, fit-elle, d'autres te consoleront. Si je sais lire, il y a de par le monde quelques bonnes âmes, toutes prêtes à réparer les torts de malin confit. » Mes traits durent prendre un aspect terrible à cette plaisanterie, car ma cousine s'arrêta court. Au bout d'une semaine, mon désespoir n'était pas calmé, et je ne pouvais plus voir Paris en peinture. Je voulus essayer d'aller dans le monde par redoublement. Hélas, la vue seule d'une femme me soulevait le cœur. Les unes m'exaspéraient par un air de moquerie insupportable que je croyais voir percer sous leur sourire. Les autres m'indignaient par je ne sais quelle expression de joie discrète. Supposaient-elles par hasard qu'elles allaient recueillir la succession de mon infidèle ? Ah, Rosie, m'écriai-je un jour, il est dur d'avoir mon âge et de mépriser déjà toutes les femmes. Toutes ? Fit-elle en levant sur moi de grands yeux sévères. Oui, toutes, répondis-je en frappant du pied, à l'exception d'une sainte, qui est ma mère. Et moi ? Demanda-t-elle avec un regard tout différent, le regard mouillé de la Rosie d'autrefois. La question était si drôle dans sa bouche que je retrouvais la force de répondre par une plaisanterie. « Oh, vous, Miss Potoff, vous n'êtes pas une femme, et je vous en félicite bien sincèrement. » La Providence eut pitié de moi. Le lendemain même, j'apprenais qu'un de mes amis intimes venait d'acheter un yacht et qu'il partait la semaine suivante pour une croisière dans les mers de Grèce et dans le Bosphore. Je courus chez lui et m'informai s'il pouvait me donner une cabine. « Sauf la mienne, dit-il, je peux te les donner toutes. Je n'emmène personne. » « Allons donc, ce grand voyage à toi tout seul, quelle idée ! Mon cher, je te préviens loyalement que je serai un compagnon lugubre. Je quitte la France pour tâcher d'oublier un grand chagrin de cœur, une cruelle ingratitude. » Je pris sa main et la broyai silencieusement dans la mienne. « Et moi, dis-je à mon tour, je pars pour que la perfide qui m'a tué n'ait pas le plaisir de savourer mon agonie. » Ainsi lancé, nous nous montâmes la tête mutuellement. Heureusement qu'il s'agissait d'une simple promenade en yacht. Si nos jeunes désespoirs avaient suivi la direction moins hygiénique du revolver ou du poison, je tiens pour certain que nous nous serions grisés de nos paroles jusqu'à commettre quelques bêtises irréparables. Séance tenante, nous délibérâmes sur bien des choses, notamment sur la question de savoir comment nous partirions. Mon ami tenait pour une disparition silencieuse et digne, quelque chose comme un chagrin qui sombre dans l'inconnu. Je me souviens encore de ses paroles. Quant à moi, j'étais d'un avis tout opposé. Pourquoi nous enfuir comme des voleurs quand c'est nous qui sommes volés, trahis, méconnus ? Je n'étonnerai personne en disant que mon opinion l'emporta. Nous commençâmes nos adieux, promenant partout nos airs accablés, comme les gens qui ont un duel promènent leurs bras en écharpe. 3 jours après, chacun savait dans le cercle de mes amis et connaissances que j'allais expier d'un amour malheureux sur quelques rivages désolés de l'archipel. Je n'avais prononcé aucun nom, trouvant la moindre indiscrétion, même en pareil cas, indigne d'un gentilhomme. Et cependant, je pus constater que personne ne s'y trompait. C'était à croire que les bontés de Manamix à mon égard, puis sa perfidie odieuse, avaient été affichées à la mairie parmi les publications de mariage. Ô sublime lâcheté d'un cœur épris ! J'adorais plus que jamais l'infidèle. J'aurais oublié tout orgueil sur un signe de sa main. Par je ne sais quel besoin d'humiliation volontaire, j'en fis l'aveu à ma cousine en lui disant adieu la veille de mon embarquement. « Elle sait que je pars, dis-je. Il est impossible qu'elle ignore. Je l'ai raconté à 100 personnes. Me laissera-t-elle m'éloigner ainsi ? Ne vais-je pas trouver, en rentrant chez moi tout à l'heure, un billet avec ce simple mot « rester » ? Ne m'écrira-t-elle pas, dans quelque temps, d'interrompre mon voyage et de venir reprendre ma chaîne ? » Ma cousine ne répondit pas. Et l'air ennuyé de son visage me fit souvenir que malgré les 30 ans qu'elle se donnait, ses oreilles ne devaient pas en entendre davantage. « Et toi, Rosie ? » dis-je pour quitter le sujet brûlant. « Je pense que tu m'écriras. »« Bon, » fit-elle, « pour te parler de quoi ? Mes lettres seraient mortellement ennuyeuses. »« mais non !» protestai-je poliment. « Tu me parleras de toi, de ta peinture, de l'oncle Jean. Tes lettres me feront le plus grand plaisir, au contraire. » Je sais que tu es pour moi une amie dévouée, et quand le cœur souffre, je m'arrêtai, vaincu par l'émotion. Ma cousine me répondit avec un soupir résigné. « Je t'écrirai, puisque tu l'exiges, ton adresse, poste restante, à Constantinople. » Nous rejoignîmes l'oncle Jean, et je pris congé de lui avec une cordiale poignée de main. Je plantai deux gros baisers sur les joues de ma cousine et je rentrai chez moi pour achever mes malles. J'avais prévenu mes parents que j'allais faire une excursion de 2 mois, m'excusant sur la soudaineté du départ de ne pas aller leur dire adieu. « Je t'approuve, » m'avait écrit mon père, « à ton âge il est bon de voyager. Regarde bien pour te souvenir des belles choses que tu auras vues, pour nous les raconter au retour. Je t'envie. Comme tu vas t'amuser. » Pauvre père, il ne se doutait pas que je partais avec la mort dans l'âme. Il parlait de retour. Le voyageur dont le désespoir conduit les pas, sait-il où, quand, comment se terminera son odyssée? Le moment du départ était arrivé sans que mon fidèle eût donné signe de vie. Mon ami et moi avions l'air de condamnés à mort lorsque la Galatée nous emporta loin des côtes de la Provence, sur lesquelles nos yeux abattus cherchaient en vain deux ombres ingrates et oublieuses.